Le jour à peine disparu, une lune ronde et blanche s'accrocha dans le ciel de la forêt de Lupus. Tout était calme. Alors, la lune descendit doucement et se cacha derrière les grands arbres. L'obscurité était presque totale. Quelque chose bougea dans la clairière. Petit craquement, ombre furtive. Soudain, quelques éclairs de lumière surgirent. Impressionnant. Un œil perçant, deux yeux éclatants, puis de nouveau cette obscurité pesante. Au milieu de la clairière, on commençait à discerner une sculpture bizarre qui se construisait doucement et montait jusqu'au ciel. Des personnages étranges, se tenant sur deux pattes, s'affairaient sur cet ouvrage, mais même en tendant l'oreille, le silence restait absolu. Une note d'accordéon résonna dans la fraîcheur de la nuit. Puis, des tambours lui répondirent. D'un seul coup, le feu surgit de cette sculpture de bois, laissant apparaître, dans une lumière chaude et éclatante, une ronde de loups assis par terre, tendus sur leur derrière. Dans la forêt de Lupus, plus un animal ne bougeait, pétrifié par cette toute-puissance lupesque qui émanait de la clairière. Même les vipères se détournaient sans bruit pour éviter ce lieu sacré. Toute la nuit, au son d'accordéon, louves et loups chantèrent et dansèrent comme folles. Sont-ce bien des loups? Sont-ils plus humains que nous? Une pâle lueur rouge se dessina dans le ciel, là-bas, vers l'est. Alors, un vieillard leva sa canne très haut vers le firmament. Et, un à un, ils disparurent, laissant comme seule preuve de leur passage un grand cercle noir brûlé au milieu de la clairière. Trace de cendres dans les brumes de novembre, le feu est mort, mais les loups vivent en